Général Fant, la bise, vieux guerrier aux tempes grises, avait pris comme devise, toujours prêt pour le combat. Bien qu'il fût en retraite, il remit ses épaulettes et reprit son escopette pour retrouver des soldats. Allez, allez, soldats, soldats, marchez, ah, au pas, en avant, par de derrière moi. Allez, allez, où ça, où ça, alléluia, allez là où il y a de bons repas, du vin et du tabac et des soldats de roi. Général prend la bise de Quetta jusqu'à Venise, élargit son entreprise et jamais ne s'arrêta. Les Mongols, les Kirghizes, les pêcheurs de la banquise, par le pan de leur chemise, un à un les attrapa. Allez, les gars, marchez au pas, en avant, par sans derrière moi. Allez, les gars, allez, les gars, je veux des soldats, pas en bois, mais des qui comme moi marcheraient au combat en lançant des hurrahs. Quand il fut à la tête de millions de baïonnettes, fit sonner toutes ses trompettes et commença le combat. Ce fut une drôle d'affaire, pas moyen de faire la guerre, car l'ennemi héréditaire, jamais on ne le rencontra. Hardi, hardi, petit, petit, chargé, fusil, sapristi, trouvez l'ennemi. Enni, enni, nini, nini, où est l'ennemi? La terre, sous la même bannière, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'ennemis. Cette armée magnifique, putain d'Est pacifique, la lecture et la musique, voilà tout ce qui l'occupa. Général Fant la bise, vieux guerrier aux tempes grises, un jour à sa grande surprise, de la terre devint le roi. Sans livrer un seul combat, sans un seul coup de bazooka, sans perdre un seul de ses soldats. Jamais on n'avait